Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les prix littéraires, c'est bien beau, c'est très appréciable, mais bien sûr, certains prix sont plus prestigieux que d'autres. Recevoir un prix de la main d'un membre de l'équipe des Décraqués ou des Papous dans la tête, voilà qui était sérieux. Le 1er novembre 1995, sur France Culture, un prix d'envergure était remis à qui l'avait bien mérité. Moment d'émotion. Distribution de prix. Les grands prix littéraires que nous distribuons chaque année ont maintenant quelques réputations, sans avoir encore une grande influence sur le niveau des ventes, sans avoir vraiment l'estime des libraires spécialisés dans les invendus. On peut dire qu'ils ont réussi à prendre une place tout à fait particulière dans la marée des prix annuels. Au moins, les membres du jury de nos prix peuvent-ils conserver bien haut l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et se regarder bien en face. Aujourd'hui, remise de notre deuxième Grand Prix 95 par Jacques Bertrand. Madame Veuve Frédéric Pagès, chers auteurs, chers membres du jury, mesdames et messieurs de la presse, nous voici donc réunis comme chaque année à la même époque pour cette occasion de réjouissance spirituelle et gastronomique qu'est la remise du prix Frédéric Pagès. Le prix Frédéric Pagès, sponsorisé par la verveine Pagès, jaune et verte, fabriquée au puits en Velay, le prix Frédéric Pagès, n'en doutons pas, est l'un des plus importants de la rentrée littéraire. Certes, le montant du chèque remis au lauréat est encore modeste cette année, puisqu'une fois réglée la note de Drouan, menu prix fixe, fromage ou dessert pour les 9 membres du jury, il reste exactement 197,50 €. Mais ce n'est pas là l'essentiel, nous le savons. Le rayonnement du prix Pagès est d'une autre portée. Le prix est d'ailleurs augmenté cette année d'un abonnement d'un an à la publication trimestrielle de l'Association des Amis de Frédéric Pagès, les Pages Pagès. Frédéric Pagès. Frédéric Pagès, 1911-1991. Palmes académiques au titre de la Résistance. Arts et Lettres, docteur honoris causa de l'université d'été du Touquet-Plage, a laissé derrière lui, outre une veuve et de nombreux enfants et petits-enfants, une œuvre imposante dont nous nous honorons de perpétuer le souvenir. Certains titres sont encore dans toutes les mémoires. Résistons, 1944, éditeur anonyme, épuisé. La grâce matinée, au Cherche-Midi, 1960. Et surtout, sa célèbre trilogie publiée chez Gallimard, Le fil du rasoir, 1961, prix Gillette, Le rasoir à deux lames, 1962, prix Bic, et La barbe, 1963, grand prix des lectrices de L. Rappelons que Frédéric Pagès était polyglotte et cosmopolite et qu'à ce titre, il a également publié en anglais. Son ouvrage Oxford, la surfaite, a reçu en 1968 le grand prix de la ville de Cambridge. À partir de 1968... À partir de 1968, Frédéric Pagès s'est essentiellement consacré à l'entretien de ses rosiers. Il tenait d'ailleurs à ce sujet un journal dont nous sommes en train de mettre au point, avec l'aide de Madame Veuve Frédéric Pagès, je tiens à l'en remercier ici, la publication agrémentée d'un important appareil critique. La parution du premier tome devrait intervenir en 1998, c'est dire que l'influence de Pagès sur nos jeunes auteurs n'est pas près de s'éteindre. Ces jeunes auteurs sont d'ailleurs, année après année, plus nombreux à revendiquer leur filiation pagésienne, je préférerais dire pagesque, et les livres s'accumulent sur les moquettes des membres du jury. En tant que nouveau président de ce jury, je suis vraiment très ému de désigner maintenant l'auteur dont le livre nous a paru cette année très au-dessus du lot. Vous l'avez certainement déjà reconnu aux côtés de Madame Veuve Frédéric Pagès. Il s'agit bien sûr de Patrice Minet. Ouais. Patrice Minet, un auteur méritant, méritoire, qui doit se mériter aussi. Sa décision d'écrire en français du XVIe siècle nécessite une accoutumance, il est vrai, mais quand on rentre dans cette œuvre, si l'on ose dire, on n'en sort plus. Patrice Minet a su mener en parallèle une double carrière, nocturne de clarinettiste et diurne de littérateur exigeant. Il avait été sélectionné pour le prix Pagès il y a 2 ans pour son livre Nenni, qui avait paru un peu négatif à certains critiques, et l'année dernière pour Moult, que quelques membres du jury avaient trouvé injustement sans doute un peu long. L'important est qu'il l'emporte aujourd'hui avec Essai, ce roman truculent qui nous fait revivre les événements qui, moins d'un siècle après la guerre de 100 ans, inaugurèrent les premiers tournois dits des 5 nations. Ah, la scène où l'arrière-petit-fils de Bertrand du Guesclin, Alexandre-André Dupont du Guesclin, assomme le comte de Twickenham avec la crosse de l'archevêque de Canterbury avant de lancer son home à Thomas Becket d'Elbourg, home sweet home, est absolument dantesque, sinon shakespearien, pagesque en tout cas, et c'est tout dire. La revue des deux lettres que j'ai l'honneur de diriger l'a d'ailleurs publiée in extenso. Bravo Patrice Minet. Il est d'usage que nous fassions le décompte des tours et des voix ayant précédé l'attribution du prix. Le prix Frédéric Pagès est en effet un prix totalement transparent, et je ne saurais manquer à cet usage. Vous savez que ce prix comporte 6 tours, qui peuvent être doublés si le jury de 9 membres n'est pas parvenu à l'unanimité. Les 6 premiers tours se sont déroulés de la façon suivante. Premier tour, 2 bulletins blancs, François-Olivier Gesbert, 6 voix, Patrice Minet, 1 voix. Deuxième tour, 1 bulletin blanc, François-Olivier Gesbert, 7 voix, Patrice Minet, 1 voix. Troisième tour, François-Olivier Gesbert, 7 voix, Patrice Minet, 2 voix. Quatrième tour, François-Olivier Gesbert, 7 voix, Patrice Minet, 2 voix. Cinquième tour, 1 bulletin blanc, François-Olivier Gesbert, 7 voix, Patrice Minet, 1 voix. Sixième tour, François-Olivier Gesbert, 8 voix, Patrice Minet, 1 voix. Nous avons alors procédé à 6 autres tours, qui ont tous donné le même résultat, François-Olivier Gesbert, 8 voix, Patrice Minet, 1 voix. En cas d'absence d'unanimité, le règlement donne la possibilité d'un tour supplémentaire en attribuant 9 voix au lieu d'1 au président du jury. C'est ainsi qu'après le 13e tour, Patrice Minet a obtenu le prix Frédéric Pagès 1995 pour son roman Essai, paru aux éditions J.A. Bertrand, par 9 voix contre 8. Patrice Minet, dans ce tournoi difficile qu'est la vie littéraire parisienne, vous vous êtes montré digne de porter les couleurs de notre regretté Frédéric Pagès, et je suis heureux de vous remettre ce chèque et cet abonnement avec mes sincères félicitations. Bravo. Bravo. Madame veut Frédéric Pagès, mesdames, messieurs, cher monsieur le président, excusez mon embarras, j'ai pas l'habitude de parler en public, je suis plus habitué à compulser des grimoires, à étudier et à noter cette riche littérature française qui part du XIIe siècle et pour se terminer après la guerre de 100 ans, guerre achevée dans la confusion générale et début de la décadence en littérature. C'est pourquoi j'accepte ce prix avec humilité. Toute mon œuvre ne vaudra jamais celle d'Agrippa d'Aubigné, de Rabelais, de Villon, mais ceux-là sont aujourd'hui tombés dans le domaine public. Alors qu'avec mon prix, 197 francs 50, un peu de bonheur et de satisfaction matérielle vont illuminer l'humble chambrette où j'écris à la plume d'oie sur des parchemins qui valent pièce un prix fou. Jusqu'à ce jour, j'étais triste. Ma trilogie, Le fil du rasoir, Le rasoir de l'âme et La barbe, avec son appendice, Pilosité aux abois, et son complément, Sapeur-pompier m'a joué ton feu, ne m'ont apporté que la célébrité. J'ai désormais l'assurance d'être apprécié. J'ai beaucoup aimé feu Frédéric Pagès. Je lui dois tout. Je me sens aujourd'hui encore plus endetté. Enfin, est reconnu devant tous mon innocence après les accusations indignes relayées par une certaine presse. Oui, c'était bien moi qui lui ai offert ce rasoir électrique, mais je ne suis pour rien dans le branchement. Je remercie le membre du jury qui a voté pour moi. Je sais qui c'est. Je tiens un Philips 3 lames à tête pivotante à sa disposition, à utiliser sans mousse. Je rappelle qu'on peut aussi servir très longtemps d'un rasoir jetable à condition de ne le rincer qu'à l'eau froide. Mais rien ne vaut le bon vieux coupe-chou de mes ancêtres, affûté sur cuir, qui, s'il vous coupe, laisse vos plaies propres et nettes. Il tranche, mais n'arrache point. Ce n'est pas Madame Veuve Pagès qui en fait une utilisation quotidienne qui me contredira. Je vous remercie. Je vous laisse maintenant apprécier le mousseau blanc dont la bouteille tiédit sur ce buffet. Merci. C'était Les Décraqués de Bertrand Jérôme et Françoise Tressart. Le 1er novembre 1995, sur France Culture, Jacques A. Bertrand remettait le prix Frédéric Pagès à Patrice Minet. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.